En kusale se gjithsalo, man do rajdas alaso, asho. Montpellier destination rêvée, pire que l'idole la tentation. Le rap pour prédilection, passion. Pour certains, le matin comme potion. D'autres, en cellule, en caution. Chante et crache le poison. Moi représente masse de revend. Avec tous les fous salauds, pour quelques sous de foutre au fond du trou, complètement sous. Et une affaire du trou du crin, tu devrais notre crew. Lyrique allemand, exactement 34 continents blessants. On y va souvent plaisant, baison sans y mettre les sentiments. Je le suis rappelé la longueur des centimètres. Comme le maître aime tenir sa chaîne en laisse, le sud te met à l'aise, te fait profiter de ce qu'il boit, ce qu'il fume et sa brèche. Et nous c'est mou, c'est pas de carotte, fraternité. Chez son pote et suce-moi. Si tu es une pute, le sud m'a bête. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, surtout tu tiens à ton cou. Pour gesticuler devant une caméra, ça tu sais, t'imaginer en carréra. Ça tu le fais, mais t'es rien donc teste pas. T'as rien d'un pesca, c'est ça, acquiesce là. Ouais, appelle-moi ton altesse, voici le son qui t'apaise. Devant lequel tu tapis, ouais ça tape clean. Pousse-toi, laisse passer mon crew, t'es fou, toi le son est à ton goût. Joe, H, Raida, c'est Mendo. Tu kiffes tort, demande, oh, plutôt lendemain. T'as beau me tendre la main, j'm'en fous. Si tu tailles mon crew, petite fouf, tu finiras au fond du trou. Du coup, pour te relever, tu voudras plus d'un revêt. Un refrain, ça tu le sais, pourtant tu le fais. Non, t'aise pas, j'baisse ça. Non, Montpellier plan cabane, si tu nous vois cavale. Ouais, voici les barges qui t'attendent bien au large. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Mon crew chaud comme la braise, un coup faut qu'on les baise au fond du trou. Faut qu'on les laisse, ils se croient dans le coup mais sans trop baise. Mon mic armé, j'pars en guerrier, y'a quoi s'alarmer. Le rap c'est un véritable merdier. Faut faire du bruit pour se faire entendre. Un concufi peut pas se défendre. Il dit toi qu'on fait de la zik, c'est pour se détendre. Ce qui va suivre ça va dépendre. C'est Joe H.O. Mike, les faux MC, je vais les pendre. 2011 faut qu'on graille, les tiens bail, les miens graille. On fait nos bails, on prend notre maille. Dis-moi c'est quoi ton place, ton coup on s'en fout. Ils sont tous die, Raidas. Même deux sont dans le coup, on baise même la flicaille. Ici on t'invite boire un coup juste pour chercher la petite faille. Remballe ton rap de petite fille, je balance une phase de type ville. J'sors mon sac que si je vise au assa comme kill pile. Si Joe H et son crew viennent faire mal, dis mal, dis-toi que c'est juste du bon son qu'il dit. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou. Viens pas tester mon crew, tu vas finir au fond du trou.